Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine sous la pluie. Où en a la prod? Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre, les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. Dans ce monde, plus rien à perdre, seulement tout à récupérer. Tous les potes et les proches qui nous ont quittés. Des fois j'aimerais être à la place d'un nouveau-né. Tu viens d'arriver, tu comprends encore rien à la vie. Tu sais pas encore, tu vas te faire piéger. Pour un plan de galère, tu risques de te faire plumer. T'inquiète pas, quand tu seras plus vieux, je t'expliquerai. Tu verras depuis toujours, je calcule pas vendredi 13. Quelquefois je vois dans les halls des tortes qui dorment sur des lignes de 16. Dans ma tête, selon décembre en 2007, je voulais des meufs et faire partie de la jet set. Maintenant, je reste indépendant, je regarde toujours tout droit devant et dans les bacs j'attends. Vivre avec une douleur intérieure, survivre avec un malheur, regarder les personnes qui font les beaux parleurs, vivre avancer dans le bon chemin et avoir un mauvais destin. Même avec une situation stable, ça peut devenir bancal. Survivre avec des regrets ou des remords, sourire quand il y a des galères encore dehors. La vie des fois peut être difficile, pour un sans-papier ça peut devenir critique. Il se base sur un langage ou sur une différence de couleur ou sur du papier. Franchement pour moi c'est une feuille blanche marquée des conneries dedans. On a les mêmes yeux, on est tous des êtres humains, tous des gamins. On mange tous dans le même pain, on boit tous le même vin. On sait tous, après la vie c'est la mort, on adopte tous le même refrain. On se donne la main, on reste entre bons citoyens. On est tous des pétards, que c'est les fachos qui allument la mèche. Je reste toujours droit devant, j'évite de me faire arnaquer. Je fais gaffe où je mets les pieds, où je mets les pieds. Vivre avec une douleur intérieure, survivre avec un malheur, regarder les personnes qui font les beaux parleurs, vivre avancer dans le bon chemin et avoir un mauvais destin. Même avec une situation stable, ça peut devenir bancal. Survivre avec des regrets ou des remords, sourire quand il y a des galères encore dehors. Où en a la prod? Mais rien, papa en pleurs, qui galère à boucler tous les fins du mois, qui se lève le matin pour aller donner de la nourriture à ses gamins. 40 ans qui travaille dans la même boîte et pour le même patron, il est pressé de voir la retraite arriver. Il y en a marre de se lever pour rien, un salaire et des heures en plus pour réagir. Trop de choses à gérer, la voiture, la maison et les trois enfants. Il les a voulu, il les a reconnus et pourtant il était prévenu. Quand t'as de l'argent, il faut faire attention, ça arrive vite, ça part encore plus vite. Déjà gamin, son premier salaire, il achète des choses inutiles à la place de le donner à sa mère. Donc il compare maintenant et avant, il est plus heureux, il a vite compris. Vivons heureux, donc vivons malheureux. Vivre avec une douleur intérieure, survivre avec un malheur, regarder les personnes qui font les beaux parleurs, vivre avancer dans le bon chemin et avoir un mauvais destin. Même avec une situation stable, ça peut devenir bancal. Survivre avec des regrets ou des remords, sourire quand il y a des galères encore dehors. On a la prod.